Section 2 de La grammaire de Mademoiselle Lily, par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 2. La grammaire. Dis, maman, est-ce que tu ne pourrais pas me montrer la grammaire sans ton livre? Je voudrais savoir seulement ce que c'est pour commencer. La grammaire est l'art de parler et d'écrire correctement. Grand étonnement de Mademoiselle Lily, qui parle très bien toute seule, sans grammaire, et qui a fait déjà des bâtons et des ronds sur plusieurs morceaux de papier, aussi sans grammaire. Il faut lui expliquer que dire des mots à tort et à travers, sans les raisonner, comme font Loulou quand il jappe, et Mimi quand il miaule, ce n'est pas parler, mais jaboter. Mettre des jambages sur du papier, ce n'est pas non plus écrire. Écrire, c'est y mettre des phrases que l'on a composées soi-même et que les autres puissent comprendre comme s'ils les lisaient dans les livres. Fin de la section 2, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.